Le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a lancé le 14 avril une déclaration. En voici le résumé. L'administration Trump a choisi enfin la politique coréenne en trois points. Premièrement, la sanction et la pression ultra-dure de pair avec on ne sait qui. Deuxièmement, la disposition permanente des armes nucléaires tactiques en Corée du Sud. Troisièmement, les actions militaires séparées ayant pour noyau l'opération de l'élimination de notre direction et la frappe préemptive. Comme vous le savez bien, l'administration Trump a effectué le 6 avril l'attaque surprise contre la Syrie avec des missiles de croisière. Et elle affiche comme un message d'avertissement sévère à notre égard avant de procéder à la menace et au chantage délibéré contre nous. La frénésie provocatrice militaire de l'administration Trump entre dans une étape très dangereuse devant laquelle on ne peut plus rester les bras croisés. Dans cette situation, l'état-major général de l'armée populaire de Corée est mandaté pour déclarer de nouveau dans le monde notre position de principe. Notre armée et notre peuple réagiront d'une manière ultra dure et écraseront complètement toutes les provocations américaines banditistes politiques, économiques et militaires dictées par la politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée. Notre riposte ultra dure contre les États-Unis et leurs suivistes sera impitoyable et mortelle. Dans l'actuelle situation critique, les États-Unis sont tenus d'avoir de la tête et d'opter correctement pour la solution du problème.